On va lire la Bible, n'est-ce pas? Prions. Père, nous te rendons gloire. Nous te disons merci pour ta bienveillance sur nos vies. Merci, ô Dieu de gloire, quand nous pensons que nous souffrons, Père de gloire, alors que tu es en train de nous restaurer. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te remercions pour ta bienveillance. Nous te remercions pour ta faveur et tes multiples grâces à nos vies. Tu as dit, lorsque nous craignons l'Éternel, ta grâce marche au-devant de nous. Merci, Père de gloire, pour ta grâce. Quand bien même nous ne comprenons pas tes voies, quand bien même nous ne comprenons pas les difficultés qui sont sur notre chemin pour nous réformer, Père, tu es toujours là pour nous conduire. Nous te remercions pour cette soirée. Conduis-nous maintenant par ton esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ouvrons la Bible. Je ne sais pas comment on va commencer. Je ne sais pas comment commencer. Commençons dans 2 Rois, chapitre 23. 2 Rois. Le livre de 2 Rois au chapitre 23. Deux Rois, chapitre 23, on va lire doucement. Et à chaque fois, on va lire, laisser que le Seigneur puisse nous donner lui-même le contexte et puis nous donner le sujet de ce soir. On va lire doucement et on va voir des principes là-bas. On y va. Deux Rois. Deux Rois. Je vais lire à partir du verset 1. S'il vous plaît, surveillez dans votre Bible. La Bible déclare, le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrite dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. C'est-à-dire que le roi a réuni tout son peuple, ce qui domine. Puisse Dieu nous donner les deux rois. Tout le peuple qui était sous sa garde, ils ont dit, ah, on a lu quelque chose dans la parole de Dieu, c'est comme ça, normalement, vivons maintenant comme ça, décidons maintenant de suivre cette façon de faire. Ils traitaient alliance devant Dieu et devant les hommes. Où est-ce là? Aujourd'hui, on suit des théories, des philosophies humaines. Avançons seulement. Verset 4, le roi ordonna à Ilkidja, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre et à ceux qui gardaient le seuil de sortie du temple de l'Éternel, tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté. On va revenir sur Baal et Astarté tout à l'heure. Et pour toute l'armée des cieux, soulignez toute l'armée des cieux. Vous avez la Bible soulignée. Toute l'armée des cieux. Vous voyez, n'est-ce pas? On va voir ça tout à l'heure. Toute l'armée des cieux. Et il les brûla hors de Jérusalem. Remarquez bien ce qu'il a fait de cela. Il les brûla. Il a fait sortir tout ce qui avait été fait pour Baal, pour Astarté, pour toute l'armée de ceux. Il les a fait brûler hors de Jérusalem, dans les champs du citron. Et en fit porter la poussière à Bethel. Il chassa les prêtres des idoles établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux, dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem. Et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil. Remarquez bien, quelqu'un offre le parfum à Baal, au soleil. On offre le parfum au soleil. On va y revenir là maintenant, au courant de la lecture. À la lune. Vous comprenez ça, mes chers amis? Au zodiaque et à toute l'armée des cieux. Mais c'est terrible. Vous allez le voir. Souvenez-vous, dans le livre d'Ecclésias, il est écrit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Des choses qui sont maintenant, ce sont les choses. Des choses qui sont sous ce soleil-ci maintenant, ce sont les choses qu'on a. C'est-à-dire les pratiques qu'on a aujourd'hui là dans l'église, ou bien dans les milieux religieux, ce sont les choses qui sont passées dans l'ancien temps. Ça change seulement de nom. On peut changer de nom. mais les mêmes formes restent. On va arriver là, lorsque on va être conduit dans la parole de plus en plus, d'accord? Regardez, ils offrent des parfums pour le soleil. Par le parfum, c'est les prières là. C'est-à-dire qu'on brûle l'encens. Je ne sais pas comment vous voyez dans les certaines églises là. On brûle l'encens quand je chante à la fumée monte. C'est ça. On brûle ça pour le soleil, pour la lune, pour le zodiac. Pour ceux qui font l'horoscope là, vous savez ce qu'on appelle 12 signes du zodiac. Les gens ne sortent pas de la matinée sans suivre l'horoscope. On fait les prières également là-bas. Il dit pour toute l'armée des cieux. Tout le monde va toucher l'armée des cieux, vous allez comprendre. On parle des anges là, les gens qui prient les anges. C'est grave. On continue. Verset 7. Non, verset 6, c'est quoi? Verset 6 maintenant. Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron. Il la brûla au torrent de Cédron et la réduisit en poussière. Et il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. C'est quoi appelle l'idole d'Astarté? C'est la forme de la statue que vous appelez Marie aujourd'hui. Comprenez? On va voir cette pierre à l'intérieur là-bas. Donc vous voyez très bien que c'est que les gens ont fait longtemps avant Jésus, on refait encore aujourd'hui. Vous voyez, les gens ont des statues de Marie à la maison, des photos de qui Jésus. Remarquez, pour ceux qui ont des photos de la personne qu'on appelle Jésus dans la maison, vous voyez toujours qu'il reste, un genre avec, on dessine un truc de cœur là, avec les couronnes d'épines, tout ça. C'est parce que vous avez juste là. Vous avez remarqué qu'il y a le soleil au-dessus de sa tête. On va arriver doucement là. C'est grave seulement. Quelqu'un à côté, il a ça à la maison, il est sûr qu'il a Jésus à la maison. Il ne sait pas qu'il est le démon en personne au mur. Allons-y seulement, regardez. Verset 8. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda. Il souilla les hauts lieux où les prêtres brûlaient les parfums, depuis Geba jusqu'à Bécheba. Et il renversa les autels, les hauts lieux des portes. Celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville, et celui qui était à gauche de la porte de la ville. Toutefois, les prêtres des hauts lieux ne montaient pas à l'autel de l'Éternel à Jérusalem. Mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. Mais dans verset 10, le roi souilla Tophet dans la vallée des fils de Himon, afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Donc c'était une personne sacrifiée, même les enfants. Il y a un dieu qu'on appelait Moloch. On prend les enfants, on sacrifie. C'est grave seulement aujourd'hui. On parle de cela dans la pharmacie de Rose, comme vous avez parlé tout à l'heure. Verset 11, il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel des chevaux, les chevaux que le roi de Juda avait consacrés au soleil. C'est grave. Donc, même les animaux avaient été consacrés au soleil. Donc si tu utilisais cet animal là pour monter là-dessus, tu viens de monter sur un cheval qui est désormais démoniaque. Que le roi de Juda avait consacré au soleil près de la chambre de l'eunuque. Nétan Melek qui demeurait dans le faubourg et il brûla au feu les chars du soleil. C'est grave. C'est-à-dire, l'idolâtrie avait pris le peuple. Souvenez-vous ici, les gens dont on parle ici, c'est le peuple d'Israël. C'est-à-dire que le peuple de Dieu, le peuple où c'est Dieu qui s'était acquis, les a fait sortir de l'Égypte. Il y avait l'arche de l'alliance au milieu. Si vous lisez le livre de Deux Rois au chapitre 8, si vous rentrez au chapitre 8, lorsque Salomon avait fait la dédicace du temple, il avait dit que Dieu a fait choisir Jérusalem parmi toutes les nations où il va faire résider son nom, où sa gloire va habiter dans le sanctuaire. Remarquez bien, c'était le peuple de Dieu qui faisait cela. Donc, les peuples aux alentours qui servaient le soleil, servaient les choses là, quand Israël est venu à l'idolâtrie, ils ont devancé le peuple. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à suivre les idoles que les autres peuples, les autres nations suivaient. Ils ont abandonné le vrai Dieu qui les a sauvés. Et ils savaient très bien que leur Dieu, qu'il sait être différent des autres dieux des nations. Et qu'il, puisque dans le commandement, il leur avait dit que tu ne feras point d'image taillée, ni de représentant quelconque des choses qui se fait sur la terre, dans le ciel, sur la terre, plus bas que la terre. Vous ne ferez point quoi que ce soit de semblable. Vous méritez. Il dit parce que c'est un Dieu quoi? Jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la quatrième heure. Oh mon Dieu. Et Dieu a dit cela et ils ont fait. On va voir ce qu'il en est par rapport aujourd'hui. Avançons. Verset 12. Le roi démolit les autels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Akaz et que le roi de Juda avait fait, et les autels qu'avait fait Manassé dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Après les avoir brisés et enlevés de là, il en jeta la poussière dans le torrent de Sédon. C'est-à-dire, dans même les chambres, même parce que la maison de l'Éternel, là, le temple de Jérusalem avait été fait, il y avait les pièces là-bas, les maisons, où il y avait les maisons de trésors, où on gardait les trésors de l'Éternel, il y avait les gens, les endroits où on gardait les vivres, les chambres des sacrificateurs, là on gardait les efforts, c'est-à-dire que les habits des sacrificateurs et autres. On dit là, à l'intérieur, là-bas, même sur le toit, ils avaient construit les hôtels. Quand on parle d'hôtel, c'est un lieu consacré à d'autres dieux. Il y a des gens qui ont les offices à la maison, vous allez dans un coin, il y a l'archange Michael là-bas qu'on a déposé là-bas. Il y a Marie, que par où on a fait le sanctuaire, mettre deux bougies à côté, c'est terrible. Ils ne savent pas que c'est la porte des démons dans la maison. suivant, verset 13. Le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de perdition, et que Salomon, le roi d'Israël, avait bâti à Astarté. Ouais. Souvenez-vous, le nom c'est Astarté. Si vous entendez Astarté dans la Bible, sachez que c'est ça qu'on appelle Marie, mère de Jésus dans l'Église catholique aujourd'hui. Et tous les autres là, c'est pas. C'est que le mari qu'ils appellent, c'est pas le mari de la Bible. On va y revenir. L'abomination des Sidoniens à Kemosh. Regardez le nom. Ils ont dit Astarté, l'abomination des Sidoniens, Kemosh, l'abomination de Moab et Amilcom, l'abomination des fils d'Amon. Les noms Astarté, Kemosh, Milcom, ce sont des noms des démons que les gens adoraient. En Inde, c'est grave seulement. Chez les Bamilikiens, maintenant, c'est terrible. Mais pourtant, si vous entendez les Bamilikiens, ils vont dire si. Si, ou comprenez que si, ça veut dire Dieu. Les gens essaient de narguer l'écriture en disant que, avant que les Blancs ne viennent ici pour, avec leur culture, ils appellent ça culture des Blancs. Vous voulez dire que nos parents ne servaient pas Dieu, ils servaient si. Mais si, c'était les démons. Avant que l'évangile ne vienne sur la terre ici, dans le cadre des Noirs, si on prend le cadre africain, avant que ça ne nous rencontre, on ne savait pas le vrai Dieu. C'est que l'être humain a dans sa conscience le fait qu'il y a un Dieu qui existe. Mais Satan se présente d'abord, il montre que nous voici, faisons ça. Mais les gens sont faits de façon fausse avant que l'évangile vienne mettre en évidence le vrai Dieu. Vous savez, quand l'apôtre Paul est entré dans la ville d'Athènes, il a vu la ville pleine d'idoles. Avec l'autre, il y avait un idole avec qui il n'avait pas de nom. Et la Bible déclare, quand il a vu cela, son esprit fut irrité à l'intérieur. Parce que à cause de la ville qui était pleine d'idoles. Or, eux, ils n'avaient pas le vrai Dieu. L'apôtre Paul est venu dans la ville avec le vrai Dieu. Il a dit comment il veut commencer ici. Parce qu'il y avait l'idole de ceci, l'idole des serpents, l'idole de la sagesse, l'idole de la philosophie, l'idole de la mathématique, l'idole de ceci, les dieux étrangers. Mais les gens de la Grèce savaient qu'ils servaient Dieu. Et c'est ça qu'il y a dans l'école aujourd'hui, la philosophie qu'on enseigne aux gens là. Ce sont les dieux, là, les démons là qui inspiraient ça. Ou maître, vous entendez, on parle de Platon, de Socrate et autres, qu'on cite aujourd'hui comme les contemporains. On dit que wow, c'était un grand philosophe. Les enseignements qui viennent là venaient des démons. Et c'était leur religion. Voilà pourquoi vous allez voir très bien que pour qu'un enfant de Dieu fasse la classe terminale, il aura toujours, lorsqu'il va vouloir donner l'expression du vrai Dieu, il aura un problème avec ton frère et sa philosophie. Alors l'apôtre Paul a dit comment il veut faire, il ne sait pas comment il veut commencer, parce qu'il y avait les différents dieux. Il a regardé qu'il y avait un idole là qui n'avait pas donné le nom. Il dit que c'est que vous adorez sans connaître là, c'est ce que j'annonce. Il a parlé, quand il a touché une résolution, il dit quoi? Ce discours, c'est bavard de quoi là? Il nous parle des divinités étrangères que nous ne connaissons pas. Or, le problème, c'est qu'il croyait qu'il servait Dieu. Donc, c'est la même chose avec les Bamiléki aujourd'hui. C'est la même chose avec les Africains. Jusqu'à ce que l'évangile s'y vient, parce que Dieu est révélé au travers de la parole. Parce que c'est par la croix qu'on est sauvé. Ça, vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, remarquez, les gens, chez les Bamiléki, il y a des coutumes ici où, quand vous avez les enfants, on appelle Gengiro, là, on les sacrifie. Donc, tu donnes les vierges. On est sûr qu'on a dû nous donner à Dieu. Oh, Dieu a entendu ça. C'est ce qu'on appelle, vous attendez, tu ne feras pas passer ton fils et ta fille par le feu. D'autres enterrent des gens vivants. C'est grave. Mais le problème, c'est qu'il croit que c'est le vrai Dieu. Remarquez maintenant, on a modernisé la chose. On va voir tout ça dans la Bible. Mais vous inquiétez pas, quand on va arriver, vous allez remarquer maintenant que ce que vous vivez dans les dénominations, dans les grandes assemblées, vous allez voir ça maintenant dans la Bible. Or, ce sont les choses qui sont passées avant Jésus. D'accord, bien-aimé? Et quand vous voyez ici le verset 13 par exemple, on dit le roi souilla les hauts lieux. Il faut que vous saisissiez comment c'est qu'on appelle le roi souilla, d'accord? Comment est-ce qu'on souille? Quand vous entendez haut lieu, ça ne veut pas dire que c'est élevé. À l'instant où vous allez toujours lire dans la Bible, on parle des hauts lieux, sur toute arbre verte, sur les collines et les montagnes. Ça veut dire qu'il y avait des gens comme le chef Bamiléki, vous entendez qu'il y a un rocher où on peut faire des sacrifices. Au village, où si vous faites quelque chose, on va laver quelqu'un dans la rivière. Quand il faut faire quelque chose, on passe sous le tronc d'arbre dans un village, on appelle l'arbre sacré. C'est ça que la Bible appelle les hauts lieux. Alors, lorsque un endroit était consacré à une divinité où les gens venaient adorer, remarquez, on montre sur la géographie comment les gens se réunissent chaque fois à un endroit, ils font une certaine chose. Vous souvenez ça, n'est-ce pas, bien aimé? Je ne sais pas si vous me saisissez ici. Ok. Donc, ces endroits où on vient faire quelque chose, ce sont appelés les hauts lieux. En Inde, il y a des rivières où, à une certaine période, les gens viennent se laver là-bas pour le sacrifice, ils versent des fleurs à l'intérieur, à la divinité de l'eau. Pour avoir des chances, pour laver le marchand, ils ne savent pas plutôt prendre les esprits des autres, les serpents là-bas à l'intérieur. Où ça? Adore aussi, ça. Le Ngondo, voilà ce qu'on fait maintenant aujourd'hui. On dit c'est le Ngondo maintenant que c'est pour les doigts, que c'est pour notre culture. Vous voyez cela? Chez les gens d'un consamba, des consamba, tombent, remarquez, le démon qui contrôle consamba, c'est le même démon qui contrôle le coupé Mwanyangoba. Le même démon. Vous allez voir, on parlait de Mwanyangoba. Chez les, chez les gens de Bonne à Montant là. Et en Consamba, on parle de Mwanenkom. Vous avez remarqué bien, vous allez regarder le chapeau rouge, et le père avait cet balai, n'est-ce pas? Allez dans le sud, vous allez voir le même démon. Vous allez dans le Fako, vous allez voir le même démon. Le chat de Dieu, les gens sont là-bas dans le Fako, même démon. Jusqu'à Sancho. Même démon. Alors dans le coupé Mwanengoba, c'est le même démon qui est là-bas. Dans le coupé Mwanengoba, dans la région du coupé Mwanengoba, on l'appelle là-bas Mwankom. Ça crie la nuit, c'est odieux. Ça crie la nuit. Donc quand ces sacrifices passent, ceux qui sont dans les villages, parce qu'ils consomment dans la ville, parce que ça, les rituels se passent maintenant en aparté. Ceux qui sont dans les villages là-bas, ça répond à la question. Il y a des gens qui sont initiés là-bas, ils ont des trompettes qui sonnent pour l'adorer. Et quand, avant que ça ne vienne, la terreur dans la ville, vous parlez des choses. Ils crient comme ça, vous entendez la ville, dans la ville, son cri qui passe tout dans toute la ville. Pas de lumière à arriver. Ceux qui sont des sacrifices doivent savoir de quoi je suis en train de parler. Alors, si tu essaies de regarder, s'il y a la lampe chez toi, en fait, quand les adorateurs savent que dans le ténèbre, les lampes sont éteintes, n'est-ce pas, frère? Tu as été. Les lampes doivent être éteintes. En fait, les gens passent dans la nuit, ils font le sifflotement, ils topent le sifflotement, tel que la Bible dit. Ils font le sifflotement, ils passent dans la nuit pour vérifier si les lampes sont éteintes. Si y a une lampe chez toi qui n'est pas éteinte, ils frappent la maison. Parce que tu éteins ça. Tu n'éteins pas, ils vont te traiter. La puissance là, va venir sur la maison, tu vas commencer à pourrir. Vous savez, quand vous mangez le maïs, vous jetez le reste du maïs là, qui sort là-bas, jaune là. Il dit l'épi de maïs. Quand vous consommez, jetez la maïs sur ton corps, va commencer à pourrir comme ça. Et si tu n'es pas en contact, si tu n'es pas dans le village, on s'en fout, tu es dans le village. C'est pour cela que ce soir, on va voir, nous voulons parler de la réforme des voies proprement dans le Seigneur. Donc voilà le sujet. Ils font quoi faire? Le chien vivant. Pas n'importe quel chien. Pas n'importe quel chien. Déjà, les chiens qui ont les taches, c'est au niveau de l'homme, comme ça. Les chiens noirs de préférence. Donc, on va voir tout cela. Ce n'est qu'une culture parmi tant de. Il y en a tellement. Voici, par exemple, j'ai vu, pendant qu'il passe dans cette ville aujourd'hui, donc ça, la semaine dernière, j'ai vu là-bas Ngondo, quoi, je ne sais pas. C'est le 13 décembre, quelque chose comme ça là. Je ne sais pas si c'est déjà passé ou si c'est déjà passé. Chacune des fois que ça se passe, on relâche l'esprit. Et remarquez très bien que les gens entrent sous l'eau. On dit qu'on va contacter les anciens ou bien les gardiens de la tradition pour qu'ils donnent le message pour le pays. Pour qu'ils donnent le message. Je ne sais pas quel message est sorti aujourd'hui. Ce sont des démons. Et toute personne qui est de près ou de loin allongée à ces cultures là-bas est ennemie de Dieu. Donc si je porte même seulement l'habit de festivité de Ngondo, tu es coupable devant Dieu. On voit tout cela dans la Bible. Dieu s'en fout des traditions des peuples parce qu'il dit dans la Bible que les coutumes des peuples ne sont que vanité. Les coutumes des peuples. Donc je disais donc que souiller le haut lieu, donc ça veut dire que, prenez un exemple, le cas de Ngondo, je ne sais pas dans quelle région, dans quelle zone ça se passe. Supposons qu'il y a une rivière. Ils ne peuvent pas entrer dans la rivière au Vouri. Enfin, le Vouri est grand, je ne sais pas dans quelle zone. Je dis, supposons qu'il y a une zone particulièrement où ils font ça. Là, c'est leur hôtel. Là, c'est leur porte d'entrée. Là, c'est leur point de contact avec la divinité de l'eau. Ce qu'ils appellent le prince de Ngondo là-bas, c'est exactement ce qu'on appelle Mamiwata. C'est ce qu'on appelle la reine des eaux. C'est une démon. La Bible l'appelle le Léviathan. Donc, c'est l'anaconda. C'est le diable. C'est pour cela que Dieu a dû lutter, c'est pour ça que vous allez lire dans votre Bible, Dieu a dû lutter contre ces Léviathans pour qu'il laisse passer le peuple d'Israël. Mm-hmm. Vous allez lire dans votre Bible quand Dieu a frappé sa tête pour qu'il ouvre l'eau. Ok. Donc, supposons que sur les berges du Vouri, en une zone déterminée, c'est un endroit où ils doivent, pour que ces gens des choses se passent, il faut que ce soit régulier. Ce n'est pas sporadique, c'est-à-dire que dans le même lieu, ça doit se passer dans le même lieu, chaque fois. Mm-hmm. Quand ça se passe dans le même lieu, et ces choses se passent dans le même lieu, le lieu là est consacré. C'est ça qu'on appelle l'hôtel. C'est un haut lieu, c'est une porte. Ça veut dire que si tu passes là-bas, tu peux faire quelque chose, tu viens là-bas, tu dis, oh, pardon, mais moi, attends, je vais être en contact avec toi, tu jettes quelque chose là-bas, tu es fichu. Et tous ceux qui viennent là-bas, tu peux venir là, il m'avait même pas mon yaourt, Ngondo, l'onction qui est là-bas t'englobe. Ok. Maintenant, c'est haut lieu aussi maintenant. C'est que la Bible appelle dans ces deux rois, chapitre 23, le verset 13, le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem. Je vais vous expliquer tout simplement ce qu'on appelle souiller. D'accord? On souillait comme ça en y mettant le cadavre. C'est pour cela que dans vos dénominations maintenant, c'est pas comme vous voyez, on fait entrer les gens, les corps des morts dans l'assemblée. C'est pour souiller, pour chasser Dieu de là. Ils savent ce qu'ils font. Les gens qui dirigent savent ce qu'ils font. Parce que le corps des morts ne doit pas entrer dans le milieu comme ça. Donc vous avez comment quelqu'un meurt, on amène comme ça, là, on dit qu'on amène son corps à l'église pour qu'on bénisse. On dépose ça devant quelqu'un, il en déparle. Ils savent, il dit bien ceux qui dirigent. Ceux qui dirigent savent. Ceux qui dirigent quoi? Même si ça ne passe pas la nuit, ils ne doivent pas être là-bas. Ils savent que ces choses-là. Parce que pourquoi Dieu avait dit à lui d'Ézéchiel au sacrificateur qu'on ne devait pas, on ne veut pas toucher même le corps des morts de peur de vous suivre au sacrificateur. Il vient à l'intérieur, il tourne, il verse l'eau là-dessus. beaucoup dans cette, de ces grandes, ce que vous appelez, ce qu'on appelle grande église, vous permettez que je dise cette expression ce soir-ci. Ce qu'on appelle les grandes églises là, vous savez, on dit Saint Thomas de ceci, Saint Paul de Pierre, Saint ceci autre. C'est parce que sur cela, on a enterré le relique, les pièces, les os, bien les ossements d'une sainte ou bien d'un saint. C'est pour ça que les noms qu'on a attribués, ce sont les démons qu'on a attribués ainsi. C'est grave. Pour souiller le lieu. Et on va voir au courant de la Bible. Donc, quand on parle de souiller, si vous lisez par exemple, dans 1 roi chapitre 13, Jéroboam qui tendait la main vers le feu, il voulait faire un sacrifice qui ne lui a pas été dû. Le jeune prophète a dit que, hôtel, on va immoler sur toi les prêtres qui te font les choses, vous voulez, n'est-ce pas? Dans l'eau de 1 roi, le jeune prophète et le vieux prophète. Il a parlé que hôtel, on va immoler sur toi les prêtres, les ossements humains. On a fait, quand on fait comme ça, là, ça immole, ça veut dire c'est pour souiller. Le sens, c'est pour dire que désormais le culte là, ça se passe là-bas, c'est sans effet. C'est ici, n'est-ce pas? Donc on voyait souiller, on souille avec le cadavre. Lorsque vous voyez n'importe quel lieu de prière où on entre avec le cadavre, les gens qui sont là-bas sont des satanistes. Les gens qui sont là-bas, je vais lui dire, les gens qui sont là-bas sont des satanistes. Je suis tiré là, je ne sais pas s'il faut aller rapidement là-bas dans ce devant pour voir la chose. Vous permettez qu'on aille devant, vous regardez derrière. Donc même si on fait n'importe quoi, il faut qu'on finisse 2 Samuel, 2 Rois 23. Donc nous parlons de la réforme de nos voies maintenant selon l'Éternel. La réforme de nos voies selon l'Éternel. C'est le sujet que le Seigneur nous a donné. Allons donc rapidement dans le livre d'Ézéchiel avant de revenir ici. Je vous ai tout simplement dit que les gens qui dirigent savent de quoi il est question. On va aller dans Ézéchiel, je vais prendre un verset tout simplement, on va y revenir tout à l'heure. On va revenir en plein dans cet Ézéchiel, on va en dire doucement. Ézéchiel chapitre 11, disons quelque chose. On va revenir tout à l'heure, on va coincer ces gens-là. C'est comme on a des choses qui sont passées. On va voir dans notre contexte aujourd'hui. Et on va voir ce qu'on en fait aujourd'hui, d'accord? Ok. Regardez, Ézéchiel, ça ne peut pas être là-bas. Assure-toi à côté de lui pour aider à trouver Ézéchiel. Tu parles. Ézéchiel chapitre 11. Je ne sais pas dans votre Bible s'il y a un titre. Quel est le titre dans ta Bible? Pour un moment. Il y a un titre là, tu sais pas. Châtiment des chefs du peuple dans sa version. Jugement des chefs du peuple. Vous voyez cela? Donc, je dis, les gens qui dirigent là, ils savent de quoi il est question. Voici pourquoi Dieu doit les châtier. Donc, je vais dire quelques versions. On va y revenir tout à l'heure là. On va prendre depuis le chapitre 8. On va avancer jusqu'au chapitre 11 pour voir pourquoi Dieu doit châtier les chefs du peuple. Quand on parle de chefs du peuple, les chefs sont les conducteurs. Des gens qui sont censés amener le peuple à une certaine direction. D'accord, bien aimé? Ok, regardez. Je vais lire le verset 1 et le verset 2. Vous y êtes. Et je vais m'arrêter à 2. On rentre dans 2 Rois, chapitre 23. Regardez. L'esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Et je vis au milieu de Jazania, fils d'Azur, et Pelatia, fils de Benaja, chef, quoi, du peuple. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Amen. C'est eux. Donc ils savent. Ils savent. Rentrons dans notre Dieu. On va y revenir tout à l'heure. Pour ceux-ci, vous allez voir ce qui s'est passé. Pourquoi Dieu dit que. Avec cette personne avec les fric sur la poitrine et ainsi de suite. Donc, verset chapitre 23 de 2 Rois, nous sommes au verset 13. Souvenez-vous, nous parlons de la réforme de notre voie selon l'Éternel. Réforme. Quand on parle de réformer nos voies, ça suppose que nous avons marché dans les voies tortueuses. Les voies n'étaient pas droites. Dieu veut qu'on marche dans la droiture, selon la parole. Alors, s'il y a quelque chose à réformer, ça suppose que nous avons marché dans une direction qui n'est pas d'après Dieu, n'est-ce pas? Alors, on parle de la réforme selon l'Éternel. Si la réforme doit être selon l'Éternel, ça ne veut pas dire que chacun doit réformer sa propre voie avec sa propre pensée. Ça suppose que Dieu veut qu'on réforme cette voie-ci selon ses directions, selon ses directives, à sa manière. Alors, pour que personne n'ait l'ambiguïté de dire comment je vais faire, il faut que Dieu nous donne les prescriptions de la façon dont on va réformer. La direction qu'il veut qu'on prenne, le chemin qu'il veut que nous prenions. C'est ça qu'on parle de réforme de nos voies selon l'Éternel. Il faut que l'Éternel nous dise comment faire. Alors pour cela, il faut que nous voyons dans la Bible ce que les gens ont fait comme faux pas. La Bible nous enseigne que toutes ces choses qui ont été écrites, l'ont été pour que nous prenions instruction, afin que nous n'agissions pas comme eux, que nous prenions ça comme un enseignement que Dieu a donné, que regardez ce que les gens ont fait, ne faites plus comme ça. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et on va regarder les bons exemples, puisque nous parlons de 2 Samuel de 2 rois 23 ici, nous voyons quelqu'un ici qu'on appelle Josias. C'est lui qui a commencé à détruire le haut lieu là, que le peuple et les chefs initiaux, les Manassé, les Akaz et autres avaient fait monter. C'est eux qui avaient fait ces hauts lieux là avec Salomon, le fils de David. Ce sont eux qui ont bâti ces hauts lieux. Un autre roi est venu, il a dit non, il ne faut pas faire comme ça, il faut qu'on détruise. Lui suivait un bon exemple. Donc, je ne peux pas suivre maintenant la voix de Salomon en disant que Salomon avait 1000 femmes, donc moi je vais prendre 1000 femmes. C'est un mauvais exemple que j'en ai suivi dans la Bible. N'est-ce pas, bien-aimé? Il faut qu'il regarde dans la Bible, je regarde. Bon. C'est pour ça, c'est justement pour cela que le Seigneur, Dieu des armées, a mis les mauvais exemples et les bons exemples. Pour que quelqu'un n'ait pas le choix. Parce que quand Dieu met un mauvais exemple dans la Bible, permet qu'un mauvais exemple dans la Bible, c'est pour montrer que si tu fais le même exemple que celui-là a fait, si tu suis dans sa voie, la façon qu'il l'a puni, il va te punir. Afin qu'il soit juste. Vous saisissez, n'est-ce pas? Voilà. Donc, si Dieu cachait les mauvais exemples dans la Bible, il dit, je veux seulement la bonté, j'ai regardé comment David fut un homme bon, moi je suis un homme bon. Tu vas voir comment tu crois, peut-être que tu allais vivre toi dans la voie de l'Éternel, alors que tu en étais égaré. C'est pour ça que tu vas mettre c'est le côté négatif que Moïse a eu, le côté positif. À toi de regarder ce qu'il faut faire. Il va mettre le côté bon du Salomon, il va mettre son mauvais côté. Il va mettre le côté bon de David, il va mettre son mauvais côté. Amen. À nous de suivre. Verset 14. Il brisa les statues et abattit les idoles. Et il remplit doucement d'hommes la place qu'elle occupait. Vous voyez ce que je viens de vous dire là, n'est-ce pas? Il remplit doucement d'hommes la place qu'elle occupait. Verset 15. Il renversa aussi l'autel qui était à Bethel. Et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nebat, qui avait fait pécher Israël. Ce garçon qu'on appelle Jéroboam, fils de Nebat, c'est-à-dire que je vous dis, quand je lis la Bible, il y a des choses qui m'étonnent. Jéroboam là, si vous lisez depuis 1 Samuel, nous sommes dans 2 rois là. Si vous lisez dans 1 roi au chapitre 11, vous lisez quand Samuel a accédé au trône. Samuel a fait pécher Israël parce que je dis, il a pris beaucoup de femmes étrangères. Et il a consacré des temples, construit des temples dans la ville de Jérusalem. Les Astarté, Moloch, Milcom et autres là-bas. Il a construit ces temples, ces choses-là qui sont des dieux. Ça veut dire que voici par exemple Jérusalem, c'est le lieu où Dieu, le nom de Dieu qui est invoqué. Dieu a interdit à tout Israël d'aller prendre les femmes à l'étranger. Parce que les femmes de l'étranger servent autre Dieu. Et non seulement ils prenaient les femmes à l'étranger, ils partaient prendre que les femmes qui sont assises dans les ténèbres, c'est-à-dire les femmes des fils des rois là. Et vous savez que les rois incarnent vraiment leur divinité. Ils prennent la femme de Sidonien ici là, la fille du prêtre de Sidonien, elle vient ici. Elle dit que non, je ne sais pas servir votre Dieu, consume le temple pour mon Dieu qu'il servait là-bas. Elle construit dans le temple, dans le lieu de l'éternel. C'est comme ça qu'il a construit partout les hauts lieux pour les images taillées. Salomon, à qui Dieu a parlé comme ça là, donné toutes les sagesses qu'il a demandé et la richesse. Salomon. Et il a fait ça. À cause de qui? Les femmes. Alors Dieu va faire monter un prophète là, à qui là? Le prophète s'est rendu monter un jour. Remarquez, on n'a pas le temps de lire là. Prenez 1 roi chapitre 11, vous allez lire là à la maison. Quand le prophète est rentré, quelque part, il a rencontré ce Jéroboam. Jéroboam là était quelqu'un qui était vaillant. Salomon l'a pris pour dire que tu peux prendre même quelqu'un qui demain sera celui qui va te remplacer sans t'en rendre compte. Il a pris Jéroboam, il l'a mis à côté de lui parce qu'il était vaillant, il était fort. Alors, le prophète Akija l'a regardé dans les champs. Il a pris son manteau, il a divisé en 10 parts. Il a dit ainsi par l'Éternel, pense 10 parts parce que l'Éternel déchirera le royaume sur Salomon. Ils vont s'attendre à 10 parts. Mais il ne le fera pas de son vivant parce que, à cause de David, mon serviteur, il ne fait pas de son vivant. Donc, il a dit que Salomon meurt avant qu'il fasse cela. Alors, Salomon meurt. Souvenez-vous, je ne parle pas de cet homme, c'est parce que je ne comprends pas comment quelqu'un peut avoir une rencontre avec le Seigneur comme ça. Il peut faire de telles choses. Je ne comprends pas. On parle de Jéroboam. On dit, verset 15, il renversa aussi l'autel qui était à Bethel et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nabat. Or, c'est Jéroboam qui va remplacer Salomon, justement parce que Salomon avait fait les hauts lieux. Et il connaît. Comprenez ce que ça me dit? Ça dit que voici un chef d'État. Il met les endroits de l'idolâtrie. Je suis son bras droit, je connais que c'est ce qu'il a fait. Et c'est sa faute. C'est à cause de cette force que l'Éternel l'a renversé pour lui mettre à sa. Lui-même, il bâtit sa part. Et il connaît bien le prophète. Quand ça va être grave à lui, souvenez-vous, quand ce prophète-là va vieillir au chapitre 11, remarquez bien, si vous lisez cela, il m'a envoyé sa femme parce que son enfant était malade. Il va là-bas, il y a un prophète, quand il dit quelque chose, ça arrive, amène-lui le pain. Et sa femme est venue comme ça, masquée, avant de venir. Le prophète, quand il est aveugle, l'autre, elle n'est pas aveugle. Il a dit, pourquoi tu te caches, l'enfant va mourir. Oh, Remarquez très bien, au milieu de lui, le même prophète, il avait, lui avait dit que tu auras 10 royaumes. Il était là au milieu. Il se trouve vers lui dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour servir Dieu de bonne façon? C'est ce qui manque. Les gens sont sur la terre comme ça, personne ne veut voir. Ils ne comprennent pas qu'au milieu d'eux, il y a des gens que Dieu a un pour les diriger d'après la parole. Chacun fait comme il veut. Et en plus de cela, en ce temps-là, les rouleaux étaient rares. Que c'était accessible seulement aux sacrificateurs et aux rois. Maintenant, nous avons la Bible. Chacun de nous, nous sommes assis là, nous avons la Bible devant nous. Et nous devons lire pour savoir les voies que l'Éternel veut que nous marchions. Pas vrai? Là-bas, ils pouvaient avoir encore d'excuses parce que le peuple qui était dans la ville, on les a entraînés comme ça par la prédication parce qu'ils ne savaient pas si c'est vrai ou c'est faux. Puisqu'ils vont lire la Bible ici, là, un rouleau qu'ils vont trouver le temps avant de voir que mince. Donc il y a des choses comme ça qui sont écrites. Or maintenant, nous tous, nous avons la Bible devant nous. Chacun a sa Bible. Vous comprenez donc pourquoi nous qui avons la lumière, la totalité, nous devons être jugés plus sévèrement que eux, n'est-ce pas? Ok. Donc voici Jéroboam à qui Dieu a parlé. Donné, il avait fui aller en Égypte, rester jusqu'à ce que Roboam est monté. Souvenez quand Roboam, le fils de Salomon, est monté au trône. Il a commencé à faire ces choses-là. Il a demandé le conseil aux vieillards et aux jeunes. Et puis il a traité Jéroboam. Dieu, il y a eu scission, n'est-ce pas? Alors finalement, les 10 tribus sont allées à Jéroboam comme l'Éternel l'avait ordonné. Mais ce qui est curieux, c'est que ce pourquoi on a séparé Israël, il a continué à faire la même chose. Donc alors maintenant, quand il va commencer à faire la même chose, un autre roi va être suscité, c'est ce qu'on appelle celui qu'on appelle Josias ici. Il va voir, quand il va lire dans la Bible, il va voir très bien que Moïse avait écrit cela dans le livre de Deutéronome chapitre 4. Il avait écrit. Il avait prophétisé tout ce qu'il y avait. Il va déchirer ses vêtements. Il a dit non, il faut qu'on change tout cela. C'est tout ce que Dieu attend. C'est ce qu'on appelle la réforme de voix. C'est-à-dire que je lis. Si je regarde quelque chose que nous faisions qui n'est pas bon d'après l'Éternel, je change mon cœur. Je déchire mon cœur et je me tourne vers ce que Dieu veut que nous faisons. C'est ça la réforme selon la voix de l'Éternel. Amen. Continuons. Verset 16, Josias, s'étant tourné et ayant vu les sépulcres qui étaient là dans la montagne, en voyant prendre les ossements des sépulcres et les brûla sur l'autel et le souilla. Voilà la définition que la Bible parle de souiller. Il voit les tombes là-bas. Pour souiller au lieu ci, allez prendre les ossements là-bas. Donc, ce qu'on appelle l'église catholique, mais pourquoi les orthodoxes qu'on bâtit, vous voyez, beaucoup de personnes savent que lorsqu'on construit ce temple, on met les ossements, ils vont en bas. Je ne comprends pas que les gens, c'est écrit dans la Bible, les gens ils vont. Donc à l'instant, tu passes des postes là-bas comme ça là. Tu en es des servis des démons. Parce que Dieu dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Donc la Bible déclare que chez elle est devenu le repère de tout oiseau impur. Quand on parle d'oiseau impur là, c'est les démons. Donc on va y arriver. On va y arriver. Que Dieu nous aide seulement. Souvenons-nous encore de titre. La réforme de nos voies selon l'Éternel. À la manière de l'Éternel. C'est-à-dire à la manière que la parole veut. Réformer nos voies. C'est-à-dire que la façon dont nous avons marché. Nous avons suivi les voies détournées. Pourquoi? Parce tout simplement parce qu'on a abandonné la parole. Si on lit la parole de la bonne façon, c'est pour ça que quand vous lisez la parole comme ça, vous allez voir les gens disent non, laisse pas d'entrer en profondeur là-dedans. Ça va t'amener. Laisse ça, ce sont les prêtres seuls qui peuvent lire. Un mensonge du diable. Or la parole de Dieu a été donnée afin que tout le monde lit, les plus enfants jusqu'au plus grand. C'est bien aimé. La parole que quelqu'un ne vous détourne pas de la parole en disant que non, il y a des spécialistes qui doivent lire ça pour comprendre. Non. Dieu a donné la parole. Il dit que personne ne dit qu'elle est où la parole là. Que c'est au ciel qui va monter au ciel. C'est dans le ciel qui va aller là-bas, c'est juste de mon nom. Il dit la parole est près de ta bouche, près de ton cœur. Et c'est la parole de foi que nous prêchons. C'est ça. Donc personne ne peut dire que c'est éloigné de lui. On fait tout. Il y a des grandes personnes qui viennent souvent, ils distribuent des Bibles dans des écoles, le Petit Testament. Ils avaient la maison, c'était une personne brûle. Je me souviens une année, il y a des prêtres à Hébec, un collège Hébec à Souza. Ils ont fait ce qu'ils appellent, c'est pas vous appelez retraite spirituelle. Ils ont demandé à tous les gens qui avaient le Petit Nouveau Testament bleu là-bas de venir pour brûler cela. Parce qu'ils savaient très bien que le simple fait qu'ils avaient accès à cela, ils ont dit que ce n'est pas une bonne Bible. Ils sont venus, ils ont déposé, ils ont brûlé. Pour les priver de la parole de Dieu. En plein jour. Ils ont fait exactement comme ça, ce qu'ils ont fait pendant l'âge des ténèbres. Quand les gens tenaient une Bible entre les mains, l'église catholique les tuait. Tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas que la vérité ait accès au peuple. Parce qu'ils savaient très bien que leur œuvre était mauvaise. Si la parole qui est la lumière s'ouvre, on va voir leur œuvre. Et ils ne peuvent pas le cacher, parce que c'est ça qui est écrit. Amen. Avançons. Verset 17, verset 16 encore. Josias s'étant tourné, ayant vu les sépulcres qui étaient là dans la montagne, envoya prendre les ossements des sépulcres et il les brûla sur l'autel et le souilla, selon la parole de l'Éternel prononcée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses. Vous souvenez, j'ai parlé de ça tout à l'heure là, dans 1 Roi chapitre 13. Il dit, quel est ce monument que je vois? Les gens de la ville lui répondirent, c'est le sepulcre de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Bethel, ces choses que tu as accomplies. Donc il venait d'accomplir une histoire, ça rend compte. Il vient à la prophétie, ça rend compte. Il pense que mais c'est quoi ça? Il dit, mais tu avais dit, l'homme de Dieu qui est mort là, il avait dit que tu devais faire ça. Et tu as fait. Ok, on continue. Et il dit, laissez-le, que personne ne remue ses eaux. On conserva ainsi ses eaux avec les eaux du prophète qui était venu de Samarie. Verset 19, Joseph fit encore disparaître toutes les maisons des hauts lieux qui étaient dans les villes de Samarie. Remarquez très bien, si vous allez dans le pays Bamileke, vous allez remarquer qu'il y a des maisons qu'on appelle maisons de crâne. Quand on déterre quelque chose ici, vous allez voir, oh ben c'est horrible frère, c'est horrible, c'est horrible. Tous ceux qui sont de cette tribu-là, de ces contrées, qui sont dans les maisons, ils ont des maisons de hauts lieux. Il y a des gens là-bas au village, ils ne comprennent pas que ces choses-là, c'est démoniaque. On construit une maison en terre là, il y a des gazettes de tradition, vous allez voir, vous venez là-bas, vous allez voir nul. Allez dans le pays, vous allez voir, voici des examens qui arrivent là, voici, regardez, les hauts lieux, on inverse lui. Quelqu'un vient là-bas avec le crâne, on met le crâne de sa grand-mère, je n'étais pas abandonné, il part comme ça au crâne. Je ne comprends pas que quelqu'un soit bête à ce niveau. Si ce n'est pas l'aveuglement, je ne comprends pas. Grand-mère est morte depuis, elle passe sur le crâne, et qui doit là, d'autres qui de la France, il paye 1 million de francs pour, vous appelez France, Air France. Pour venir comme ça, descendre au village. La grâce de Dieu le couvre pour arriver au Cameroun. Il prend la voiture d'ici pour arriver au village. La grâce de Dieu le couvre pour qu'il voyage bien. Il va faire des abominations comme ça. Il dit que grand-mère, il n'était pas obligé, c'est que les temps sont durs. Quand il va venir, il va construire la tôle sur ta tête comme j'avais promis. Sur la tête de... Que Dieu nous vienne vraiment en aide. Donc, Salomon, quoi, Joseph a détruit la maison de Olu. Supposons que j'arrive au village maintenant de Bamileke, il casse tous les terres là. Vous voyez, la première chose qu'on va faire, on va brûler, pas vrai? Mais il faut que ça arrive, ça va arriver sur cette terre-ci. Quand bien même le monde actuel sur la puissance du malin, il n'en demeure pas moins que à l'éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Souvenez-vous, si vous lisez le livre de Gédéon, là, dans le livre des juges, vous allez voir que c'est la même chose qu'il va faire. Quand il va rencontrer l'ange de l'éternel, il va d'abord aller détruire les dieux de son père. On a dit que merde, qui a touché les dieux de notre père ici? L'autre a dit que même. Si ce sont les dieux, laissez-les. Pourquoi vous défendez votre dieu? Laissez-le qui se les défend. C'est-à-dire que si ici, dans cette maison, si on détruit et qu'il y a là-bas les dieux que vous servez, ne vous tapez pas. Laissez qu'eux-mêmes se défendent. Parce que notre Dieu est assez puissant pour se défendre. Amen. Donc remarquez, ils ont des maisons où ils mettent les crânes, on verse l'huile là-bas. Donc c'est-à-dire que cette femme-là de son vivant mangeait les héros, mangeait les ceci, mais maintenant elle boit seulement l'huile et le sel. Vous savez, c'est ce que j'en ai dit? C'est seulement l'huile. Donc on quitte l'huile, on veut lui donner l'huile et boit. On verse du sel. Après 14 ans, il faut le déterrer le crâne. Il cherche là où je vous mets. Non, parce que c'était déjà là. C'était bien. Il dit que moi, il veut d'abord s'assurer. Il va accepter comme... Ici, nous étions là, assis debout. Les enfants, et la main. Ça semble être dur, hein. C'est lui qui dit, monsieur le marabout qui dit. Oui. Tout le monde est tablé. Arrêtez comment déjà, ça commence à aller. On fait comment? L'huile et le sel. Il va boire une huile avec le sel. Maintenant, il casse le ciment. Et on arrive sur le second. On a fui. C'est là où il dit non, ne fuyez pas. Viens. Qui est le successeur? On dit c'est lui là-bas. Lui-même, il entre, il casse le sentier, il entre. Il dit maintenant à mon petit frère que entre. Lui aussi, il entre. Il dit porte. Mon petit frère est tombé là-bas. On a crié, on court jusqu'à... Il dit, non, vous n'avez pas un problème. On dit, il n'est pas mort. On crie. De moi, il entre dans lui. Il n'est pas... Non, il n'est pas mort. Il dit, ouais, il est comment alors? Nous tous, on a fui. Hé, c'est quoi ça? Il dit que, il faut faire des sacrifices. Il faut acheter une chèvre. Entre-temps, dans ton petit, il faut être couché. Il faut faire le sacrifice pour qu'il se réveille. Il nous dit qu'il faut acheter la chèvre. C'est comme ça que maman court, comme au marché de Banté, est-ce que nous on connaît là où on achète la chèvre? Maman court au marché. Vous avez acheté la chèvre à combien? Pourquoi? On a acheté à 28 000. 28 000, avançons seulement. L'a-t-il dit le côté combien à ce moment-là? C'était les affaires de 6 000, c'est comme ça là. 6 000, 5 000. Spoudé maintenant on tue la chèvre. Il prend le cœur, il prend le foie, il l'emballe dans une feuille. Le cœur de la chèvre là. Oui. Il l'emballe dans la feuille verte. Maintenant quand il l'emballe dans la feuille verte, il fait le feu. Il met. Après il prend maintenant, il dépose sur la tombe. Maintenant, il entre dans la tombe. Il fait des cérémonies. Nous sommes là debout déjà. Mon petit frère est en train de mourir. Non, il n'y a pas de problème, comment c'est dû cette fois-ci comme ça là? Moi j'ai déjà assisté aux choses aussi, mais ce n'est pas la tradition. Dans ta maman, c'était une autre gardienne de la tradition, elle était habituée. Moi j'ai déjà assisté aux choses aussi, mais qu'est-ce que c'est que l'enfant est comment? Hey, il est là, il fabrique ce qu'il fabrique, Maintenant, il dit que allons dedans. Non, pas maintenant. Qu'il a déjà brûlé la chèvre et prendre une partie, mettre dans l'huile et le sel. Donnant à mon petit frère. Mon petit frère a bu et mangé. Celui qui est tombé, qui était couché. Oui, après il se lève maintenant, il dit que allons. Il a eu le courage de porter le calme. Qui ça? Mon petit frère. Mais celui qui a mangé maintenant la chèvre. Donc finalement, ce n'était pas lui qui était le successeur, n'est-ce pas? C'était lui qui était le successeur. C'est le successeur lui-même. Oui. Donc comme il est entré là-bas, il a eu l'onction lui-même de successeur. Oui, il a eu maintenant le courage. Je sais pas c'est le courage. Non, l'onction. Il a porté maintenant le crâne. L'audacité. Il est sorti avec. Sans avoir peur que mais tout à l'heure, je suis en train de juste tomber. Donc il était possédé. Ouvrons la Bible, ça va, ma soeur, ça va. Merci. Ouvrons la Bible. Restons tous dans ce 1. Vous savez, on doit faire la réforme. Tout à l'heure, je me tiens devant vous, je suis de parler des maisons. Vous savez, c'est sorti là, maison, parce qu'on a lu ici maison. Et si vous m'avez dit maison, parce que maison des crânes. Je n'en connais pas, je n'en ai pas vu, mais ça vient comme ça. Je vais dire tout simplement que, vous savez, Lévitique. Vous voyez très bien qu'il faut une réforme. C'est pour cela que vous, dans vos familles, vous laissez les gens faire ces choses dès que vous connaissez la vérité. Dites-leur la vérité avant qu'on vous repousse. Parce que c'est terrible. Maintenant, suivons ce que Dieu va dire. Je veux que tu suives cela. Ton petit frère, il est encore vivant, pas vrai? Tes gens avec qui vous étiez là-bas, ils sont vivants, n'est-ce pas? Même le marabout là aussi. Non, le marabout est décédé. Non, mais un de mes petits frères aussi est décédé. Ok, mais donc on va voir ce qu'il en est pour que tu suives ce que Dieu a dit. Et là, maintenant, tu peux savoir de quoi il est question par rapport à cela, d'accord? On va. Lévitique, vous êtes dans la Lévitique. Ok. Chapitre 20. Prenons d'abord chapitre 20. Chapitre 20. Si vous avez ouvert chapitre 20, regardez, lisons le verset 6 tous ensemble. Lisons tous ensemble pour que ça reste gravé dans nos cœurs. D'accord? Lévitique, c'est le quatrième livre de la maman. Donc après Exode, là. Après Exode. Lévitique. Attendez, d'abord, je vais donner le signal. Pourquoi il faut que cette soeur-là puisse lire. Il faut que chacun lise. D'accord? Tu y es déjà? Quand vous êtes assis à côté d'une personne qui ne sait pas ouvrir la Bible, aidez la personne à ouvrir. Sinon, on se rend bavardé comme ça. Il faut que chacun. Voici le pourquoi nous faisons que vous lisez la Bible. Parce qu'il faut que vous voyez de vos yeux. Il ne faut pas qu'on se tient là, on vous dit des choses, vous ne voyez pas c'est écrit. Si vous croyez que c'est la parole de Dieu, vous voyez que. Si c'est écrit là-bas et que Dieu nous y interdit, si vous voyez de vos yeux avant d'aller, vous avez de comptes à rendre à Dieu. Parce qu'on est des êtres humains, pas vrai? Nous n'avons pas de jugement à faire de chacun d'une vie. La Bible déclare que Dieu jugera les actions secrètes des hommes. Il rendra à chacun selon son œuvre. C'est pourquoi il faut que nous mettions ces choses au clair. Même si ça ne nous plaît pas, même si ça ne plaît pas aux gens, les gens qui sont les gardiens des traditions, c'est Ngono qu'on vient de citer, le Ngono chez les Bamoun. Vous savez très bien que vous entrez dans un hôtel. Dans le royaume, vous voyez, le serpent a deux têtes. Et le serpent symbolise totalement et absolument Satan. Donc ils disent clairement que notre royaume, c'est Satan qui le dirige. Et que c'est comme ça partout, dans chaque village. Nous parlons de Bamleke maintenant. Regardons ça. Chapitre 20, le verset 6, 1, 2, 3. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous avez entendu? Si quelqu'un s'adresse à qui? Vous avez entendu, non? Donc quelqu'un qui, comme je disais tout à l'heure, il quitte quelque part, il va sur la tombe de son père. Il dit, maman, je ne t'ai pas oublié. Comme il pleut sur ta tête, je vais construire la tombe. Mais si elle entend qu'elle quitte donc là-bas. Je construis la maison sur sa tête. pour qu'il ne pleuve pas sur sa tête. Donc quand la pluie tombe, elle est couchée là, c'est seulement sur sa tête que la pluie a vu pour tomber. Il faut qu'on réutilise sa tête pour aller mettre dans la maison. Et quand on met dans la maison, un de ces jours, quand on vient, maman, tu ne t'es pas laissé affamer. Bénis tes enfants. Tu vois, le malade, on dit, tu es malade comme ça parce que ta mère, tu as abandonné ta mère au village. Et tu y vas. Quand même c'est la saison sèche, on protège que le feu ne passe pas à côté de la maison. Que le feu ne passe pas à côté de la maison. Tu es ici à Gérard, on voit la maison. On voit l'argent. Pourquoi on construit la maison, on protège. Pourquoi on débrouille, pourquoi peut-être que le feu de brousse ne monte pas pour toi. Sinon, ta mère va se fâcher comme ça. Vous entendez des choses, n'est-ce pas? Nous rions comme ça, ce sont des abominations. Dieu dit ici, dans ce Lévitique chapitre 20, verset 6, si quelqu'un s'adresse aux morts. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes font des rituels. Remarquez quand même les prêtres catholiques, comment pour une fois l'initiation est au cimetière. Regardez très bien pourquoi ils ont fait ça de façon facile. Les grands cathédrales ont toujours les cimetières à côté pour transiter dans l'autre monde. On fait même, nous y voilà maintenant. Merci Père. Le 2 novembre est consacré à quoi? Le 2 novembre est consacré à quoi? Aux morts. C'est-à-dire qu'une journée internationale dans l'église catholique pour prier pour les morts. Et Dieu dit ici que c'est quelqu'un qui s'adresse aux morts. Voici l'enseignement qu'on donne là. On dit que nos morts, nos chers disparus, ils sont auprès de Dieu, ils intercèdent pour nous. Vous avez vu un seul verset biblique dans votre Bible qui parle de cela? La Bible dit dans Hébreux chapitre 9, verset 27, qu'il est réservé aux hommes, l'homme que nous sommes, de mourir une seule fois. Après quoi? Donc la personne qui est mort là, il est c'est suffisant pour lui, il sera jugé de toute façon, il ne peut plus faire n'importe quoi. C'est ici, quelqu'un sur la terre, inspiré par le diable, dit que contacte cette même personne qui est mort, qui attend le jugement. Il veut, voici pourquoi Satan a infiltré le mensonge pour que quelqu'un croit qu'il sait Dieu, alors qu'il est, il doit être retranché, comme je l'ai dit ici. Il dit si quelqu'un s'adresse aux morts, vous avez entendu ça? Donc je ne dois pas m'adresser aux. Donc j'invite tous ceux qui m'écoutent maintenant. Si vous aviez fait des prières de votre mère, que je fais la messe d'action de grâce pour ma mère qui est morte, vous êtes fichu devant Dieu si ne vous repentez pas. Nous parlions tout à l'heure là des réformes de nos voies selon l'éternel. Ça veut dire que si j'avais fait le culte d'action de grâce pour ma mère est morte depuis, je n'ai pas fait le culte d'action de grâce, il faut que je prie pour elle. Le culte d'action de grâce, pour le merci, on va amener le prêtre va prier pour le repos de son âme et prier pour quelle sorte de purgatoire. Je ne sais pas comment vous appelez ces choses-là. Des abominations comme ça qui ne se trouvent pas dans la Bible. Que l'homme a créé pour se satisfaire de le vendre et prendre en échange l'âme pour donner à Satan. Nous allons voir tout à l'heure que ça a trait avec l'âme. Ça veut dire que quand tu fais. Remarque bien, Dieu dit que pour se prostituer après eux. Donc, tu vas dire que non, je n'ai pas la prostitution, je ne vais pas à Monaco. Mais Dieu dit que tu es une prostituée. Il dit, souvenez-vous de ce que tu viens de dire. Les gens vont dans les tombes. Dans les films, vous voyez cela, les blancs ont ça, ils sont modernisés, on croit que c'est la bonne chose. Vous voyez comment les cimetières des blancs sont bons. Vous voyez comment ça. Supposons qu'un enfant était mort. Et c'est ici le point. C'est ici le point pour les parents qui aiment tellement leurs enfants. Pour une femme qui aime tellement son mari, pour un mari qui aime tellement sa femme. Quand la femme meurt, on dit que ici c'est le. Vous savez, on construit, il y a des. J'aimais les photos de ces personnes à la maison. Elle passe à côté, chaque fois elle pleure. Quand chaque fois que, oh Dani, j'aimais trop Dani, je ne peux pas l'oublier. Je pleure toujours mon fils. Ça veut dire que son fils dépassait Dieu dans son cœur. Si c'est ton mari, ça veut dire que ton mari dépassait Dieu dans ton cœur. Voilà pourquoi, même dans sa mort, tu ne pardonnes pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dans les films, vous voyez comment les gens passent vers les noirs, vous voyez les femmes viennent. Dans les films, c'est l'idolâtrie qu'on a proposé. Ils apportent les fleurs avec des poses sur la terre. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Après des années. C'est la communion avec les morts. On montre ça de façon moderne. Si on montre les Bamlékés dans la Bible, on va dire que les Bamlékés pour eux, le funéraire là, c'est grave. Pourtant, les blancs, on le font. Ils viennent dans le cimetière, ils viennent déposer les fleurs, ils viennent déposer les jeunes de fleurs. Les Bamlékés n'ont pas de fleurs, ils n'ont pas de fleurs de coquilles là-bas. Pour voir le maïs. Un des jours, j'ai joué au ballon dans une église, à côté d'une église protestante, là-bas, le ballon allait dans le cimetière. J'ai vu le coquille qu'on a déplacé parce que je prenais le ballon à côté d'un tombe. Mon pied a préparé quoi? Pitié le coquille. En partant, il y a un chien qui venait de manger le coquille. Là, j'imagine qu'il va pas rentrer le lendemain. Il va dire que là, il m'a mangé. Quand on est sorti dans la nuit comme ça, là, il est venu manger. Ne faisons pas ces choses-là parce que notre Dieu a dit qu'on ne doit pas le faire. Si vous lisez dans le verset suivant de ce chapitre 20, verset 7, là, remarquez bien, vous sanctifierez et vous serez saint car je suis l'Éternel, votre Dieu. Dieu me dit ceci, mon peuple en moi ne doit pas participer à ces choses-là parce que vous êtes totalement à l'Éternel. Mais si on est à l'Éternel, on ne doit pas marcher dans ces voies-là. Si on marche dans ces voies-là, on doit revenir à la voie de l'Éternel. Dis à ta voisine, à ton voisin, il te faut une réforme des voies selon l'Éternel.